I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Merci, mais vous êtes trop généreux. Ah, version acoustique, oui. Si on peut dire, décidément un manque de réchauffement ici, un manque d'entraînement, surtout avec cette nouvelle guitare acoustique qu'il fallait que j'essaye d'une manière ou d'une autre. Une Tombstone, fabrication de la compagnie ESP. bon, il va falloir que je m'y remette sérieusement, mais bon, bien essayé quand même. Oui, pour ceux qui nous écoutent en direct, eh bien, vous venez de subir cette nouvelle intro. ouais, pour rivaliser un peu avec la super intro que nos amis le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr Pendragon à Sifu nous réservent une surprise pour le poisson d'avril. Je vous vends pas le punch, mais vous allez écouter ça sur rockclassique.net, le podcast de l'émission du 1er avril dernier. Ça vaut vraiment la peine. Bon. Et puis, bon, et moi-même, je m'appelle Sylvain Latour, hein, je suis avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Et pour cette nouvelle édition de Subversion, celle du 8 avril 2016, aujourd'hui, évidemment, on va faire un retour sur ce qui s'est passé du côté du Centre Bell avec Iron Maiden, aussi du côté de Calgary, avec, cette très bonne nouvelle, hein, Cataclysm, qui nous ont fait honneur en remportant un prix Juno, rien de moins. Aussi, nouvel extrait de Gorgots, tiré de leur prochain EP, apparaître en mai prochain, qui s'intitule Pleiades Dust. Et aussi, nous rendons hommage à un album qui fêtait ses 40 ans le 1er avril, soit 2112 de Rush. Alors, tout ça à l'émission et plus, évidemment, et beaucoup de musique subversive comme dans ce premier bloc. Donc, on va entendre les Torontois de Slaughter aussi. On va aussi entendre Venom, mais avant, en demande spéciale, Sacrifice pour mon ami le Dr Pendragon de l'émission Réanimation et Rock Classique assez fou, d'un album qu'il affectionne particulièrement, Forward to Termination. On écoute Terror Strikes à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. The wolves, they catch my scent. They yearn for my blood, warm and fresh. But every entendre Slaughter avec The Curse, pièce tirée de l'album Strapado de 1986. Album qu'ils avaient réalisé avec l'aide d'un certain Brian Taylor. Un gars qui a travaillé avec des groupes comme Sacrifice, Razor, Infernal Majesty, Sudden Impact, Dissection de Québec aussi. Avant ça, on avait eu Venom avec Cry Wolf, pièce tirée d'album At War with Satan de 1984. Album qui, c'est à se demander, est-ce que c'était le 2112 du black metal? La question s'avère pertinente puisque ça a été avoué plus tard par Kronos lui-même que le fameux classique 2112 de Rush avait été une inspiration de premier plan afin de réaliser cette audacieuse démarche qui était d'inclure une pièce de 20 minutes occupant toute un côté de l'album. At War with Satan. Moi, je me rappelle qu'il y avait des observateurs. J'ai connu des observateurs qui étaient plus forts sur le hard rock ou le classic rock ou encore même la musique classique tout court, qui avaient eu quand même un certain intérêt, voire une curiosité envers cet album-là. Alors, c'était pas peu dire pour un groupe de speed metal, un genre qui était vraiment pas... que la masse dans la masse portait pas dans son cœur, évidemment, mais... ça a été un album pas mal. Ça a été très audacieux de la part de Venom à ce moment-là. Avant ça, on avait eu. C'est intéressant d'en faire mention puisque justement dans l'émission, comme je disais, on aura un survol justement de l'album, de la pièce 2112 de Rush pour le 40e anniversaire. Avant ça, début de bloc, demande spéciale pour mon ami le docteur Pendragon de l'émission Réanimation assez fou. La pièce est en Sacrifice Terror Strikes, tirée de l'album Forward to Termination de 1987. Sorti en octobre 87. Excusez. Je trouve ça étonnant. Il me semble que j'ai eu ça avant en promo. J'avais Fringe Records. J'avais commencé à m'envoyer des albums vers la fin de mon mandat à CIRC, justement, en 87. Bref, à Metal Militia, à CIRC, à Rouen Oranda. Je me plais toujours à plugger une émission que ça fait 30 ans que ça n'existe plus. OK. Il est 17h. Il est 16h, 18h. 6h47. Vous écoutez toujours Subversion sur Underground Québec Radio. Et je voulais faire un retour sur ce spectacle d'Aaron Maiden au Centre Bell, qui, ma foi, c'était du grand Maiden, évidemment. Écoutez, tout dépendant où vous étiez placé, moi, j'étais dans très haut, même trop haut, dans la section des aigris. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu le même concert que bien d'autres gens qui étaient plus bas ou au parterre. Il y a bien des changements de décor que j'ai manqué. J'ai vu des photos après et je me disais « What the hell, j'ai manqué ça! » Des backdrops splendides derrière Nico McBrain, des pyramides aztèques et tout ça. Mais somme toute, visuellement, toujours très intéressant quand même. Mais le son, c'était pourri, là. Dans section 300. Le Rockmaster Alain Lefebvre, lui... était section 101 et faisait mention que le son était très acceptable. Et évidemment, Bruce Dickinson, au-delà des attentes, écoutez, c'est une force de la nature de revenir en force de cette façon-là, de cette manière-là, et de nous servir une leçon de frontman encore une fois. D'un type qui revient d'une maladie comme le cancer. Et c'est quand même fort étonnant. Et Steve Harris, si vous l'avez vu dans les années 90, dans ses derniers tournées antérieures, dites-vous qu'il n'a pas changé. Il a 60 ans, il est pareil. C'est comme un... C'est un éternel, finalement. Il change pas. Ça change pas. Un peu par rapport avec ça... Vous savez, on entend de drôles de choses sur les ondes ces jours-ci. J'ai capté au passage l'émission de Paul Arcand le matin, au 98.5, cette madame des variétés jasée du concert de Johan. Je pense que c'est un élève de Carton Academy, là, qui avait lieu au Centre Bell le lendemain du concert de Maiden. Donc, Aucune mention de ce groupe légendaire qui est Iron Maiden, qui se produisait pourtant le soir même. Comme quoi, quand Air Force One débarque à l'aéroport de Dorval, c'est pas assez pertinent pour en parler à Paul, et encore moins à la population du Grand Montréal et du reste du Québec. Et le message qu'on envoie, c'est quoi? C'est comme si, en tenant compte évidemment du fait que ce type de média ou de diffuseur ne s'intéresse pas à un phénomène mondial comme Iron Maiden, c'est comme si l'amateur de métal moyen n'avait aucun intérêt envers l'actualité traitée de manière, disons, plus éditoriale et plus, mettons, voire intellectuelle, de la part de M. Arcan, et que les publicités, souvent infantiles en passant, en contraste, qui alimentent en revenus la station, excluraient de leur public cible tous ces gens qui ont rempli le Centre Bell plein à craquer pour le concert de Maiden et qui ont pourtant assez d'argent pour se payer des billets dispendieux par terre, des tour shirts à plus que le plein prix, et même se payer de la bière à 11,50$ dans la cathédrale Bell avec ses prix de l'an 2050. Pensent-ils qu'ils ne peuvent pas être des clients potentiels de leurs sponsors tels que Brossard, Hyundai, Casa Grec, Déménagement à la Capitale, Trévis, Dagwoods, chez Marcel, Home Depot et combien d'autres? Bon, c'est pas sans rappeler le dernier show, entre guillemets, de Judas Priest à Montréal, qui soulignait les 40 ans de carrière du groupe, où la chroniqueuse d'usage avait pris soin de ne parler seulement que d'un show local ordinaire à la place, celui d'Éric Lapointe, dans aucune circonstance spéciale. Curieusement, alors que tout ça nous suggère que les amateurs de métal ne font pas partie de la masse, j'ai plutôt constaté, encore une fois, qu'il existe bien une masse parmi les amateurs de métal dans un même concert, de surcroît. C'était le cas pour Metallica, de toute évidence, au Heavy Montreal et au concert d'Iron Maiden vendredi dernier. Eh bien, vous aviez les die-hard, les musiciens, les rockers, de trois, souvent, arrivant souvent en groupe de trois, trois générations, en trois générations. Et vous avez les néophytes, ceux qui assistent à un ou deux concerts de métal durant l'année, probablement. Et une partie d'entre eux qui, ma foi, sont sujets à réflexion de part de leur réaction plutôt animale, rendant l'expérience d'un concert un peu plus pénible, je dirais. Surtout quand on constate que l'on rate en plus des éléments visuels et sonores dans certains cas, à cause qu'on est mal situé. Il y en avait juste au-dessus de nous dans la section des écrits. C'était juste une coche over the top, là, tellement qu'on a tendance à leur trouver un nom. Des animaux, des gigons. le Rockmaster Alain Lefebvre, que je mentionnais tantôt, assis dans les grilles, en a aussi fait mention en disant, dans un courriel, « Des animaux, il y en avait juste derrière nous qui hurlaient comme des pithécanthropes. » Bref, oui, des primates. Vous allez me dire, rien de mal d'avoir plus de monde dans les shows. Mais moi, je dis rien de mieux que d'avoir ce sentiment de connexion avec tout le monde présent et de se sentir à la bonne place. Une observation un peu radicale, peut-être, mais les primates, c'est comme les douchebags, c'est pas drôle. Du moins, c'est parfois assez pour nous faire dire « Si on n'est pas content, next time, on va rester à la maison puis on va attendre que le DVD sorte. » Bon, on va écouter un peu de musique, hein? Je parle depuis tantôt, là. Je vais vous en raconter un autre tantôt, mais pas tout de suite. On va entendre le prochain bloc Rush. On va aussi entendre Toe Cross, un extrait live de leur passage aux catacombes le 3 avril dernier à Montréal. Mais avant, Watchtower avec une autre nouvelle pièce, un nouveau single qu'ils ont fait paraître vers la fin de la dernière année et qui paraîtra sur le EP à venir prochainement, qui s'intitule Concepts of Matt Book 1. On entend un instant Arguments Against Design de Watchtower. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. smell like the thing Satan. This is live action drama. And the winner is Peter Frampton. I like to thank Satan, I like to thank Louis Armstrong, I like to thank Neil Young, I like to thank the Rollins Band, I like to thank Bob Marley, I like to thank the Martin Brothers, I like to thank Salvador Dali, I like to thank Louis Well, and there's Kiss Smith, there's Kevin Hogan, and I'd like to thank you too. Hometown boy here, away! We have to bring him back, he was missing it too much. We'll be right back.

magistrale, la fin magistrale de cette longue pièce de Rush 2112, de l'album du même nom de 1976, qui fêtait ses 40 ans le 1er avril. Oui, on a entendu en fait les trois dernières parties de 7 qui composent, qui séparent cette longue pièce qui occupe le côté A, soit Oracle the Dream, Soliloquy et Grand Finale, Grand Finale, ouais, ou quelque chose comme ça. Ça avait été produit évidemment avec Terry Brown, ce quatrième album de Rush, sorti le 1er avril 1976. Et l'histoire était basée sur un texte écrit par Neil Peart qui décrit un monde dirigé par des prêtres ayant banni toute forme d'art, les prêtres des temples de Syrinx. Dans ce contexte, un jeune homme découvre une guitare et apprend à en jouer, mettant en péril l'équilibre de cette société totalitaire. Tout ça se passe en 2062, alors que fait rage une guerre à l'intérieur de la galaxie. Et en 2112, évidemment, le monde est contrôlé par ces fameux prêtres des temples de Syrinx qui déterminent le contenu de tout ce qui a rapport avec la lecture, chansons, musique, images et bref, toute facette de la vie. C'était l'album qui a vraiment mis le groupe sur la map de façon planétaire après un Caress of Steel un peu passé sous le radar qui a été peu fructueux au niveau monétaire et qui s'en est suivi une tournée un peu désastreuse qui s'est passée majoritairement dans des petites salles. La maison de disques de Rush à ce moment-là évidemment insista alors que le groupe se rende sa musique plus assez accessible et voire commerciale. Malgré ça, ils ont ignoré cette requête et ils ont fait complètement l'opposé en les relançant avec une pièce de 20 minutes pour ouvrir le nouvel album. Les bons résultats de ce disque qui fut le premier à atteindre le statut de disque de platine au Canada justifièrent leur souci d'indépendance. La tournée 2112 culmina lors d'une série de 3 soirées au Massey Hall de Toronto où le groupe enregistra d'ailleurs son premier album live intitulé All the World's Stage. 2112 marque la transition entre les premières réalisations du groupe et l'ère progressive de leur œuvre. À l'instar de Yes ou Emerson, Lake & Palmer, qui enregistrait de très longues pièces occupant toute une face d'un disque, Rush, un trio qui à la base était plus drum, bass, guitare, donc dépendant beaucoup des riffs de guitare malgré toutes ces explorations lointaines que l'on a pu entendre aussi dans Farewell to King, Hemispheres et même Permanent Waves, l'ont fait d'une façon propre à eux, avec un penchant métallique qui a captivé de nombreux observateurs et mélomanes partout. Et évidemment, influencer une nouvelle génération de musiciens aguerris ou encore ambitieux de créer leur propre chanson de science-fiction ou autre concept élaboré sur de longues trames sonores, sortant des conventions de la formule hard rock ou metal plus minimale au niveau structure qu'on était habitué d'entendre depuis Kiss, Deep Purple, Priest, Saxon, Motorhead. Et ça a généré évidemment on l'a vu par la suite, des albums comme ou des chansons très très longues occupant soit une face complète ou voire un album complet comme exemple At War With Satan de Venom, Crimson 1 et 2 de Edge of Sanity, A Pleasant Shade of Grey de Face Warning ou encore The Ivory Gates of Dreams du même groupe, Octavarium, Change of Seasons, Six Degrees of Inner Turbulence de Dream Theater, High de Meshuga, The Odyssey de Symphony X, The Divine Wings of Tragedy aussi de Symphony X et autres longues œuvres par Opeth, Moon Sorrow, etc. Rush qui ont été introduits au temple pas des Syrinx mais de du Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Ont vendu plus de 40 millions d'albums, selon un recensement qui date quand même depuis un certain temps. Le 2112, lui, a vendu seulement aux États-Unis plus de 3 millions d'albums, ce qui en fait le deuxième plus gros vendeur aux États-Unis pour Rush après Moving Pictures. 2112 a été classé second chez les lecteurs du Rolling Stone magazine pour leur album de prog rock favori de tous les temps. Alors, c'en est tout un classique, ce 2112 de Rush. Évidemment, avant Rush, on avait eu Toe Cross avec Lazarus, version live au Catacombes le 3 avril dernier. Spectacle qui semble avoir fait des heureux à ce moment de ce soir-là, ce fameux dimanche soir-là. J'avais pas pu y être, malheureusement. Et avant, en début de bloc, on avait eu Watchtower avec Arguments Against Design, ces Texans qui s'en viennent avec un nouveau EP du nom de Concepts of Mad Book 1. Alors, c'est à surveiller ça prochainement, du très bon matériel par ce groupe du Texas. Il est 19h16, vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio, et venu le temps de vous présenter cette nouvelle pièce de Gorguts qui paraîtra sur ce EP Pleiades Dust, apparaître en mai sur Season of Mist. Mais avant, une pause publicitaire, hein, et on revient avec Gorguts. Sam, on n'est pas pour se laisser dépenser de même, hein? Non, certain! Ça me prend un raccourci! OK! Voici à quoi ressemblait la publicité en 1973. D'accord. Ça me fait tellement rire quand il chante « Oui, mais... » Il y en a de toutes les natures, hein? 19h17 sur... Je me trompe tout le temps d'heure parce que... En tout cas, ça me tente pas de dire pourquoi. 19h17 sur le stream d'Underground Québec Radio. Vous écoutez toujours Subversion avec Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death. Et oui, on y va, comme promis, avec ce nouvel extrait de cette longue pièce de 34 minutes qui sera l'intégrale de ce EP. Pleiades Dust apparaît sur Season of Mist en mai prochain. Voici donc Gorguts avec Besiege, la Subversion. so delighted to see you again. I want you to get C'était Evil Prevails, jeune formation de Rouyn-Noranda, avec un nouveau single en 2016, un autre qui s'intitule Genesis 22. Evil Prevails partageait la scène avec Obey the Brave à cette fête d'hiver de Rouyn-Noranda dans le cadre de la FME tout récemment. Avant ça, on avait eu évidemment un autre extrait du prochain EP de Gorguts apparaître. Bientôt, en 2016, l'extrait en question s'intitule Besieged. Et comme on sait, Gorguts sont en tournée européenne présentement avec le groupe italien Nero di Marte. Et bon, ils ont eu quelques problèmes ici et là, notamment au niveau du transport. Je pense que c'était un traversier qui avait un certain retard et qui a mis en banque. Qui a fait qu'ils ont dû écourter une de leurs performances. Je pense que c'était à Tilburg, mais je ne suis pas certain. Donc, de passage en Angleterre, Hollande, Norvège, et eux aussi principalement à Manchester le 29 mars dernier. Il y a un crétin qui a décidé de défoncer la porte de l'autobus de leur tour bus. Un geste délibéré. Que l'on peut voir sur une vidéo que Nero di Marte ont édité sur leur page Facebook. D'ailleurs, on le voit très bien. Un geste complètement gratuit. On se demande vraiment pourquoi les gens s'attaquent comme ça à des artistes qui ne font que survivre, finalement, en partageant l'horreur comme ça un peu partout et en étant loin de la maison comme ça, c'est complètement délibéré. C'est une genre de situation qui est pas près de s'améliorer dans ce monde de fous. Avant de passer aux deux derniers groupes qui vont clôturer l'émission de ce soir, je vais faire un petit clin d'œil à... Oui, justement, Deviant Process et Cataclysm, en fait. Je voulais faire un petit clin d'œil à quelque chose de loufoque que j'avais lu à propos de chanteur Nicolas Ciccone, oui, cet irritant majeur, qui a supposément, écoutez ça, lancé un cri du cœur contre Rythme FM sur les médias sociaux. Rythme FM qui refuse de jouer la chanson, sa chanson, Je veux pas mourir avant d'être mort. C'est supposément à cause du mot mort. Alors, lui de répondre pas plus brillant. Mais voyons que je me suis dit, je ne suis pas un chanteur d'heavy metal. Alors, citation fracassante ici. Déclaration fracassante, oui. Mais pas sans rappeler les choses, tout simplement. Les absurdités qu'on pouvait voir et entendre dans les années 80. Alors, on était encore dans le. On dit qu'on était encore dans l'ère retard, là, face à toute la culture heavy metal, faussement perçue par bien des monsieur, madame, tout le monde, finalement. Et ce genre d'artiste. Rythme FM, de leur part, se sont défendus en soutenant. La chanson n'avait pas été sélectionnée par le comité d'écoute pour des raisons. Et un comité, hein, oui, c'est plusieurs personnes autour d'une table, en cravate probablement. Comité d'écoute pour des raisons de critères de sélection des paramètres musicaux. Parce qu'à, semble-t-il, de manière générale, au printemps, on privilégie les chansons plus rythmées et enjouées. Justement, ça vous tente pas de faire d'augmenter le... c'est-à-dire de... d'accélérer le rythme un peu, puis de faire jouer quelque chose qui a plus de drive, là, genre Cataclysm, qui, justement, qui sont pas des deux de pique, hein, qui ont remporté un trophée Juno de surcroît à Calgary la fin de semaine dernière pour leur album Of Ghosts and Gods, en hommage justement à cet album, pour l'album heavy metal de l'année, dans cette catégorie. Mais ça, c'est pas rien, hein. C'est une très très bonne nouvelle. Ça s'est passé. La présentation des Juno, c'était au Saddle Dome à Calgary. Et c'était avec les Bryan Adams et Nickelback. qui ont présenté justement Burton Cummings en tant que membre honoraire, je pense, en tant qu'artiste solo et qu'il avait déjà été avec The Guess Who en 87. ouais. En tout cas, heureusement, ce n'est pas eux qui ont présenté le prix pour l'album de l'année dans le heavy metal, justement au gars de Cataclysm. Seul Maurizio était absent du fait que, justement, le 1er avril, lui et sa conjointe ont vu la naissance de leur nouvelle petite fille du nom de Ariana. Donc, une belle fin de semaine pour la famille de Cataclysm. Alors, on va y aller avec une pièce de leur dernier album, justement, qui s'appelle Hate Spirit, et ensuite on aura Deviant Process, tout ça, Subversion. I see Cataclysm waiting in the wings. Guys, come on in. Woo! Congratulations on your win, guys. I'm doing great. Congratulations. Congratulations. Eh? Holy crap, dude, it's crazy. Yeah. What was the first show, like, where you were like, people know these songs? Like, do you remember that show? You know what? We really remember it very well because mm-hmm. we had a big, major fuck-up on the first song. obviously, so we started the show and the whole system in the back collapsed and we couldn't hear anything. So it was like the first song on the first tour of the new album, and yeah. It was a total disaster. So we're like, this is going to do great. This is for sure. Yeah, no, it's crazy. We'll be right back. entendre Deviant Process de Québec avec un extrait de leur excellent album Paroxysm, paru récemment sur PRC Music. La pièce est en Narcissic Rage. Deviant Process qui on faisait leur lancement d'album officiel le 1er avril dernier. À Québec. Ils l'ont fait en compagnie des Français de Gorod, ainsi que The Aftermath, qui est composé de la moitié de Deviant Process aussi, et de Bukaki, c'est ça. Avant la pièce de Deviant Process, nous avions eu Cataclysm avec Eight Spirit de 2015, l'album Of Ghosts and Gods, qui a été honoré album heavy metal de l'année au Juno Awards canadien à Calgary ce dernier week-end. Donc c'est tout pour nous cette semaine, pour nous, pour moi, pour Subversion et pour toute cette musique subversive. Partagez l'information. SoundCloud, ça marche toujours. Les 4 derniers épisodes sont là, plus une 5e, des fois une 6e. Je pense que oui. Oui. Puis aussi sur le site hurlemort.com de notre sinistre chroniqueur Guillaume Gagnon du blog Hurlemort. Et pour tous les épisodes depuis la toute première en streaming, hurlemort.com/subversion. Écoutez aussi les émissions Rock Classique de C'est Fou, rockclassique.net, toutes les balados de diffusion sont là, ainsi que réanimation.com du Dr Pendragon, également de C'est Fou à Trois-Rivières. Je voulais faire mention que prochainement, durant le mois d'avril, nous devrions avoir en entrevue des membres de la formation Phobocosum, justement pour parler de ce nouvel album qui va sortir en mai. Et puis, la semaine prochaine, nous aurons une émission spéciale Steel Metal for Breakfast. Ça va probablement être un Dinner for Breakfast cette fois avec mon ami Wayne Archibald. Donc, nous parlerons de nos coups de cœur d'albums et démos des années 80. Alors, ça promet la semaine prochaine. Alors, d'ici là, je vous laisse là-dessus. De retour bientôt pour plus de musique subversive. Spread the word pour Subversion. À la prochaine. Salut.